Ce jeudi, dans la nouvelle formule des palmarès C'est fou, on vous présente le top 20 francophone. Il y aura de nouvelles entrées des Fatal Picard, de Fred Fortin et des Maléchés, et on saura enfin si notre numéro 1 est toujours les Amis Pakistan avec Imra Stingra. Palmarès francophone, c'est aujourd'hui 13h.